more variety. Yeah, that sounds great. We have also like around us, so at least a dozen different booths, kids, families, some old Citroën from the 30s up to more recent years. Yeah, it's the Citroën Club of Minneapolis. And some school and a bouncy castle. And yes. La boutique. And a lot of sunshine. Yes, indeed. So come on and join us. If you're in Minneapolis or St. Paul, you can join us at 227 Colfax Avenue North in Minneapolis, Minnesota. And you park around. Like, there's some place at the parking lot of the firm or the... On the street. Yeah, on the street or the pet dogs. And that should be fun. All right, so the songs we're going to listen to start with are La Marseillaise. Well, I had to start with it. Then Douce France from Charles Trenet. And then Andrex with On a tout ça en France. We have all of this in France. Okay. All right, and now for the French anthem, Everybody Rise. Yeah, you don't have to rise. You can if you want to. On y va. Okay, c'est parti, mon Kiki. Revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Oh, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Ce poème, oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Pour un week-end aujourd'hui, on s'envole de Paris pour faire le tour du monde. On prend le thé à Capri, on dîne près d'Hawaï, on dort à Trébizonde. Mais on a ça en France, on a tout ça chez nous. À Paris en vacances, l'univers a rendez-vous. On trouve à la Boule Blanche des noirs comme à Harlem. Et l'on peut voir sur la place Blanche des Grecs qui maquillent les brèmes. Au pôle Nord sur la glace, les gens vont en traîneau dans nos ciné sans changer de place. À l'entracte, il y a les Esquimaux. On rêve dans un soupir de pousser des soupirs sous les ponts de Venise. On rêve de Calcutta, des chutes du Niagara et de la tour de Pise. Mais on a ça en France, des tours, il y en a partout. Il y a même le Tour de France, avec plus d'un tour dans ses roues. Pour voir de belles mouquères, pas besoin de voyager. Il y en a plein les folies bergères, bien moins habillées qu'à Tanger. Chez les anthropophages, on mange les visiteurs. Chez nous, bien qu'on soit pas sauvage, on est croqué par le percepteur. Pour rencontrer des Sidi, un tapis, mon ami, passez donc place Pigalle. Pour reluquer des bijoux dignes des Rajas hindous, passez donc rue Royale. Car on a ça en France, on a tout ça chez nous. À Montparnasse en danse la rumba comme au Pérou. Pour voir des danses bizarres, des danseurs égarés, pourquoi courir chez les barbares? Nous avons Saint-Germain-des-Prés. Quant à l'amour, mesdames, pour le prix des nations, sans vouloir nous faire de réclame, on sait que nous sommes les champions. Quand on a ça en France, pourquoi courir partout? Faut mieux rester en France, faut mieux rester chez nous. Ok, et voilà, we are back. Et voilà, voilà. Alors, so what did we listen to, Freddy? Well, we listened to three songs. The first one was La Marseillaise, and it was from an album called Les Cérémonies, from Le Cœur de l'Armée Rouge. De l'Armée. And after that, it was Charles Trenet with Douce France. And just now was Andrex with On a tout ça en France. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. So, that's right, we're live from the Alliance Française, Minneapolis-Saint-Paul, and we are on 227 Colfax Avenue North. In the parking lot, indeed. If you're looking for us. Well, and there's tons of vendors and like a bouncy castle. Families. La boutique. Food. Yes, food, drinks music. Old Citroën cars. Yes. Collector cars. Some people, like some French immersion schools, and some people who offer like Paris of Script, for example, with Lane, who will be with us on Tuesday. Mm-hmm. She'll talk about what she offers. You know, the trip in Paris are not like just the trip. They are very unique and they are very like catered and sur mesure. Yeah, how would you say? Tailored to customers or clients' needs. Yeah, needs or wants or desires. So that's very cool. So we're going to be here until 6 o'clock and we're going to listen to music. And we're probably going to have some interviews and some people. So stay with us. We're going to listen to more songs. Thank you. Thanks for listening to KFAI. This is Bonjour Minnesota. And we're going to listen to Francesca Soleville with Adieu des Françaises. Then Michel Polnareff with Lettre à France, Letter to France. And Gaël Fay with À France, featuring Fifth Ends Kalimbo. Okay. Kabilo, sorry. On y va? Oui, c'est parti. Adieu les vengeurs de la France, vous nos époux ou nos amants, allez renverser leur espérance et les noirs complots des tyrans. Votre absence aux troupes chéries va nous causer bien des chagrins, mais il faut sauver la patrie dont le sort est mis dans vos mains. Jamais une cause aussi belle d'un peuple n'armera les mains, jamais aussi grande querelle ne régna les humains. L'Europe attend sa destinée de vos succès, de vos revers, et le cercle de cette année fixe le sort de l'univers. Au camp partout de leur esclavage, vos mains auront brisé les fers, comme vos noms

La Noire 2 mm-hmm. en français. We're showing it next Tuesday, I believe, along with a documentary about Sem Ben that is really to die for. It'll tell you so much about the real origins of African-made film mm-hmm. in Africa after the colonial forces left. It's really a fascinating film. Oh, sorry. Thank you, Susan. Thank you, Susan. Merci, Susan. And... yeah, you're live. Yeah, it is live. We are live, yes. Susan didn't realize we were live. Yes, hence yeah. Larson. And we're going to keep listening to songs. So, what are we going to listen to right now? I don't know. Songs about France. Exactly. So, the first song we're going to listen to is from Béra with Parlez-vous Français. Do you speak French? Yeah. Then, Little Big Tree with À la Française. And then Jesse Matador with Allez Olé Olé. And that was a song that was played during one of the Eurovision competitions. So, on y va? Cool. C'est parti. Parti. Bonsoir mademoiselle, tu viens d'attraper mon regard. J'aimerais juste savoir si tu voudrais quelque chose à boire. Pour moi c'est pas la peine, je bourrais juste à force de te voir. Ta tenue te va bien mais tu n'es pas obligé de la porter ce soir. Oui, oui, oui, oui, enlève tous tes habits, comme s'il ne t'allait pas. Toute la nuit, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas. On s'est compris, oui, ton corps est parlé avec moi. Moi j'ai parlé à ton body, body, body, body. Enlève tous tes habits, comme s'il ne t'allait pas. Toute la nuit, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas. On s'est compris, oui, ton corps est parlé avec moi. Moi j'ai parlé à ton body, body, body. Me fait rêver, les yeux ouverts. Même quand je les ferme, elle est la seule chose que je vois. Elle me fait voler les pieds sur terre. Moi j'ai entendu la langue de l'amour dans sa voix. Parlez-vous français? S'il ne t'allait pas toute la nuit, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas. On s'est compris, ton corps est parlé avec moi. Moi j'ai parlé à ton body, body, body, body. Pas besoin de mots, pas besoin de mots, oublie tout est complexe. Tu pensais jamais trouver meilleur que ton ex. Et le gars est trop frais, mais d'où il sort, du Louis Store. Campagne de Dior, avant film, ils sont déjà morts. Et j'ai même pas commencé, mais moi j'en veux déjà encore. Elle me donne son numéro, mais moi je veux déjà son corps. Moi je veux déjà son bouc. Parfum Coco Chanel, son corps m'appelle. Direction Georges 5 Hôtel. Des valises étages avant que Colette ferme. L'emmener dans une vie de rêve, c'est ce que je promets de faire. Fais disparaître les autres mecs, tous les trophées, je collecte, collecte. Je ne me présente pas, tu dois me connaître, frère. Mr. Dream, tes rêves, je dessine. Trop d'adrénaline, ton entourage hallucine. Fais jalouser tes copines. Musical, French kiss, okay, délice. Dans ta playlist, yeah. Elle me fait rêver, les yeux ouverts. Même quand je les ferme, elle est la seule chose que je vois, que je vois. Elle me fait voler les pieds sur terre. Moi j'ai entendu la langue de l'amour dans sa voix. Parlez-vous français? S'il ne t'allait pas toute la nuit, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas. On s'est compris, oui, ton corps est parlé avec moi. Moi j'ai parlé à ton body, body, body, body. Parlez-vous français? Thank you.

And we are back on KFAI. You're listening to Bonjour Minnesota with Romain, Freddy, and Adrian. Yay! And right now we're looking live. And we are looking at a parade of French cars. Yeah, French Citroën for the most part. French collector cars. Just saw a Peugeot. So we have Citroën, we have the De Dodge, bonjour, bonjour. We have Peugeot 505S, s'il vous plaît. Une Citroën Traction. And now, une belle Citroën Traction. La Traction, des années 30. I remember those from World War II. This is a World War II era car. It's absolutely gorgeous. Yeah, like you remember, like you were there. No, because I remember my history, mister. Okay. And you've seen that in movies, maybe. Yeah, and that's so cool to be able to broadcast live and just see a parade of classic French cars, because we are here at the Alliance Française on Colfax Avenue on the parking lot. It's a gorgeous day and yeah, it is. Families are here. We have booth, we have food, we have French boutique, music. Just come by if you have time. Come by, visit us. This is Bonjour Minnesota on KFAI. And it's 227 Colfax Avenue North. We just listened to Béra with Parlez-vous Français? Do you speak French? Then Little Big Tree at A la Française. And Jesse Matador with Allez, Olé, Olé. And there's live music going on as well. So we're not near the music to not have any conflict, but we'll maybe have some interviews a little bit later. That would be nice. From some of the musicians. So that should be nice. So let's listen to more music. There's one. The first song is going to be Malto Music with Chirac, Je serai le président de tous les Français. And it's kind of a remix, like a fun one. It's a samba remix, actually. Then Claudio Capeo with Belle France. And Le Noiseur with Douce France. And it's a cover of the Chartrenais song that you heard a little bit earlier. So, on y va? C'est parti, mon petit Kiki. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Mes chers compatriotes, les Français. Je serai le président de tous les Français. Les Français. Je mesure les Français. La difficulté de la tâche qui nous attend. Tous les Français. Tous les Français. Je veux tout un État. Je veux tous les Français. Je veux tout un État. Je veux un État. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Un État les Français. Qui n'isole pas tout par pas. Tout par tout par pas. Tous les farces. Tout par pas. Tout tout par tout tout par pas. Tout tout par tout tout par pas. Tout tout tout par tout par les farces. Tout par tout tout par pas. Tout tout tout par tout tout par pas. Un état vigoureux, un état impartial, un état exigeant, un état. Je serai le président de tous les Français. D'un cœur de pierre, je vous présente Mademoiselle Lumière, ses effluves matinales, l'odeur d'un corps magistral. La manivelle a cassé, je ne goûterai plus aux odeurs d'été. Métamorphosez-moi, je suis dingue de toi. Toi ma belle, toi ma douce, toi ma muse, toi ma reine, toi seule qui porte le poids de nos larmes. Toi ma belle, toi ma douce, toi ma oh, belle France, connais-tu cette fille? Oh, à la robe blanche, connais-tu cette fille, celle qui danse? Connais-tu cette fille? Oh, ce soir je flanche. Oh, ma belle France. balance des torts, je perds la ronde est belle, mademoiselle de verre. Ces ordures sentimentales, la peur d'une proie carcérale, la manivelle a cassé. Je ne goûterai plus aux odeurs d'été, métamorphosez-moi et la tristesse sera. Toi ma belle, toi ma douce, toi ma mise, toi ma reine, toi celle qui porte le poids de nos larmes. Toi ma belle, toi ma douce, toi ma oh, belle France, connais-tu cette fille oh, à la robe blanche, connais-tu cette fille eh, celle qui danse, connais-tu cette fille oh, ce soir je flanche. Je ne goûterai plus aux odeurs d'été, métamorphosez-moi et la tristesse sera. Toi ma belle, toi ma douce, toi ma muse, toi ma reine, toi seule qui porte le poids de nos larmes. Connais-tu cette fille oh, à la robe blanche, connais-tu cette fille oh, celle qui danse, connais-tu cette fille oh, ce soir je flanche. Couscous, purée, boudin. Mariage pour tous, Christine Boutin. Sors de la douche, lave-toi les mains. Carrefour Market, Michel Houellebecq. C'est beau la vie, parc et moquette. Mur en crépi, chaton croquette. Fumer au lit, manger un grec. Douce France, lève-toi et danse. On se mélange, les chauves et les franges. Douce France, t'es belle quand tu penches. Lève-toi et danse dans tous les sens. Télétravail, pizza, maison. Week-end à Rome, attestation. J'ai la réponse à ma question. Sur ta gourmette, je vois ton petit nom. Vas-y, te douche, je suis en colère. Là, je suis tout mou, je suis bipolaire. Je m'enfonce tranquille dans mes Nike Air. Salut, bisous, je pars à la guerre. Douce France, lève-toi et danse. On se mélange, les chauves et les franges. Douce France, t'es belle quand tu penches. Lève-toi et danse dans tous les sens. Faut profiter, je crois que c'est maintenant. Quand on est mort, c'est moins marrant. Ouvre les yeux, lève-toi et danse. Le disque d'or, pas le silence. Douce France, lève-toi et danse. Qu'on se mélange, les chauves et les franges. Douce France, t'es belle quand tu penches. Lève-toi et danse dans tous les sens. And we are back on KFA. You're listening to Bonjour Minnesota. We are live from the Alliance Française Minneapolis-Saint-Paul. And if you want more information about the event and the schedule, it's afmsp.org. And we have the chance and the luck to have with us Natalia. Bonjour. Bonjour, Natalia. How are you doing? Hot. Hot. But I'm doing great. I'm so happy to see so many people today. That's just amazing. I couldn't be more lucky, more happy. It's just amazing. After 2 years of storm, of wind, of rain, that's the first time we have this great weather. So I couldn't be more happy. Oh, and with the severe weather that we had last night and the week that's we it, had. That's it. I've asked for a storm last night, so it won't happen today. Yeah, you did very well. You see? Good job. Good job. So what are we celebrating today, Natalia? Tell us more about this event. So today it's the July 14. Every year, July 14, the 14 juillet in France, we celebrate le 14 juillet, as we call it in France. We don't call it Bastille Day, actually, in France at all. La fête nationale. La fête nationale. It's the French national holiday where we celebrate the prise de la Bastille, where the people who were upset against the king in 1789 decided to liberate all the prisoners from a prison called La Bastille. Yeah, and they also wanted powder and guns too. Yes, they just basically were upset about all the monarchy and decided that's enough, enough is enough. So they stormed La Bastille, and since this day became the national holiday in France. Great. So today it's a little bit of France here in Minneapolis, huh? On at Colfax Avenue at Alliance Française. Mm-hmm. What do we have here? So you're coordinating this event as a director of the cultural programs for the Alliance. But can you tell us a little bit what's going on here at this event today and why people should come and join us? So today from 3 to 7, we are having live music. We just finished the set of Maud Kaya Quartet, which is a jazz quartet that came from New Orleans, especially for the occasion. They were amazing. Now the music is live with Francine Roche Trio. They have been part of our event for a long, long time, and they are playing some very traditional guinguette music. People are dancing, people are really enjoying themselves. We have French crepes, so savory and sweet pancakes, very traditional nice. In France. We have vintage cars, Citroën cars. We have a vendor's market with a lot of very interesting and bouncy castle. A bouncy castle for the kiddos. They yeah. are really, really happy inside. It's twice as much big that it was last year. So I think they can really enjoy themselves. Yeah, we are really happy and we have great food vendors. People are really enjoying their food today. So that sounds great. It's from 3 to 7 here at the Alliance Française, but I think there is something happening after this. Oh, there's an after party. Yeah, it's happening after. So from 8 to 11, we are having a dance party called the French Transmission Dance Party with a DJ who starts to be really famous and who is really famous here. His name is Jake Rude. He will be playing French and not only French music from 8 to 11 inside the building. There is AC inside the building, so it's going to be less hot inside and we'll be celebrating. We will be celebrating because we like to dance, we like music, and I also personally want to celebrate the fact that unfortunately it's going to be my last day, Tuesday, at the Alliance Française after 4 years as a cultural programming director here at the Alliance. So I just want to see many, many people enjoying themselves. Yeah. You know, at the Alliance, we love gathering people, we love community, and I think this is mainly why we organize all the events and seeing all the smiley faces today, all the kids, all the families, all the couples, I see my daughter here, I see my son here, you see, it's a really family-friendly event, so it is indeed. Come enjoy with us, please. Yeah, come on over, and in the meantime, we're live from the Alliance Française, and we're going to listen to more music. I don't think I back-announced the music. Listen to Malto music with Chirac, Je serai président de tous les Français, then Claudio Capeo with Belle France, and Le Noiseur with Douce France. Thank you, Natalia. Thank you. She's back with the kids. And we're going to listen to Benjamin Biolay with Ballade Française, Enrico Macias with La France de mon enfance, and Zebda with France 2. Allez, on y va? Eh ben, C'est parti! Vive la France!

la même histoire de France. La France de mon enfance, par amour, par désobéissance. Son prénom était un nom étranger. C'est elle, la France où je suis né. La France de mon enfance, moi je pleure encore de son absence. Elle était française, on l'a oubliée. La France, celle où je suis né. Spéciale dédicace à moi tout seul, à moi tout seul. Spéciale dédicace, on est d'accord. On n'est pas d'accord. Spéciale dédicace. Spéciale dédicace, allez, on va donc. Je mange que du poulet, poulet, poulet, poulet. Spéciale dédicace aux Français, pas de l'Hexagone. Spéciale dédicace pour ma qui pense cher. Spéciale dédicace à toutes les autres personnes. Spéciale dédicace. Et ouais, moi je suis français, j'ai tous mes papiers, je suis bien intégré. Je suis dans la norme française. Et pour les coutumes, qu'est-ce que tu fais? J'ai tout enquillé, je suis en règle. Ma nationalité, j'ai pas fait l'armée. Ils m'ont informé des quatre parce que moi. Et là, décidé, qu'est-ce qu'il y a? De la police qui vient de te chambrer, je veux les narguer, les archers. Ah, car tout d'identité très montré. Jean de blanc cassé. Moi, je danse ici et j'ai des choses à dire à ceux qui sont pas d'ici ou souches profondes. C'était pour pas ici des discours de castagne, du cochon de Bretagne, en sueur maléfique. Tu finiras tiré dans ton 13e étage, le fusil à grenaille posé sur la tête. Je regarde mes fesses. Et voilà, we are back and we listen to three more songs on Bonjour Minnesota on KFA Radio, and we are live from the Alliance Française Bastille Day celebration. Yes, indeed. We're just looking at Marie-Antoinette here, taking pictures with the crowd. And she still has her head and in her shoulder. Lucky her. Yeah, that's good. It must have been a good day. Yes. Well, actually, she, her head fell off like about some time after Bastille Day was taken. So that we're on par. We're on par. Yeah, right. Yeah. Maybe she'll we're accurate here. She'll get her head cut off a little bit later. We just listened to Benjamin Biolay with Ballade Française, then Enrico Macias with La France de mon enfance, the France of my youth, and Zebda with France 2. And it's a play on word because it's like both the TV channel and like a new France kind of thing. Like, you know, it's not the France of your parents type of deal. Zebda is kind of, we just had a listener like stop by and she said, yeah, that's what my mom used to play. And her mom is probably my age. Probably. Yeah. But this is it. This is a classic from Marseille, Zebda. Yeah. That's it. But, yeah, I mean, it's not as old as Enrico Macias. I mean, Enrico Macias is even older. It's a grandmother, Enrico. Yes, indeed. So we're going to keep the Bastille Day celebration at the Alliance Française Minneapolis-Saint-Paul, afmsp.org. And you can become a member. You can check it out. They have a library and things like that. So yeah, and we're going to do a quick quick announcement. Uh-huh. It's five. So you're listening to KFAI 90.3 FM Minneapolis-St. Paul and streaming online at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Vous écoutez KFAI Radio Communautaire 90.3 FM Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. Et l'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. And we have Romain, Adrian, et Freddy. Yes, that would be me. All right, should we listen to more songs? Maybe je veux, mon neveu. We're going to do that. We are live until 6 o'clock, and the event is closing at 7. So if you want to come in right now, the weather is wonderful, and we have lots. There's lots of vendors. There's booths and crepes and books and trips to Paris and things like that. So feel free to come on over to 227 Koufax Avenue North in Minneapolis. And we are going to listen to Tiken Jaffoli with France Afrique, then Rachid Taha with Douce France, and that is the cover from Charles Trenet. The previous one was not. And Les Négresses Vertes with La France à ses dimanches. Super. France has its Sundays. All right. C'est parti. On y va. Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. Nous vend les âmes pendant que nous nous battons et puis nos richesses. Et c'est du être surpris de voir la pub toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola, ils ont ruiné le Gabon, ils ont brûlé Kinshasa. La politique France Africa, c'est du blague et tu es. La politique America Africa, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France Africa, c'est du blague et tu es. La politique américaine, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. Ils cautionnent la dictature, tout ça pour nous affamer. Ils pillent nos richesses pour nous enterrer vivants. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont brûlé Kinshasa, ils ont brûlé Rwanda. La politique France-Afrique, c'est du les blagues et tu es. La politique américaine, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique américaine, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Babylone est très habile. La guetue est la la la la vigilance et résistance. On cassera l'un de nombreux terrains. Caliberia de nos mutilés. On cambola de nombreux terrains. On cassera l'un de nombreux terrains. Why, why? Why, why, why? La politique France Africa. C'est du blague et tué. La politique America, Africa, why, why, c'est du blague et tué. Blague et tué. La politique France Africa, c'est du blague et tué. Blague et tué. La politique America, Africa, why, why, c'est du blague et tué. Blague et tué. Blague et tué. Ils vont nous blague et tué. Blague et tué, la la la la. Ils veulent nous blague et tué. Tout va bon, non, non, bah non, blague, tu es. Blague, tu es, la la la la. Et que nous blague, tu es. Blague, tu es. Il veut nous blague, tu es. Blague, tu es. On se réveille, vous. Blague, tu es. Il veut nous blague, tu es. Blague, tu es. Réveille, vous. Blague, tu es. Vigilance et résistance. Blague, tu es. Il veut nous blague, tu es. On se réveille, vous. Blague et tué. Nous blague et tué. Blague et tué. On se blague et tué. Blague et tué. Nous blague et tué. Blague et tué. On se réveille, vous. Blague et tué. Nous blague et tué. Blague et tué. On se réveille, vous. Blague et tué. Vigilance et résistance. Blague et tué. Nous blague et tué. Blague et tué. Il revient à ma mémoire des souvenirs farinés. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. J'ai connu des paysages et des soleils. Tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance. Gardez dans mon cœur mon village, au clocher où mes sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. J'aime à ne pas sortir, surtout avant midi. Quelque chose malgré moi soupire pour m'anéantir. Si la terre tremble, je le crois, je reste perplexe, sans le moindre réflexe. Je ne quitterai mon bras. La France a ses dimanches, tant pis pour ses lundis. Si je reste coincé dans mon lit, c'est que j'en ai pas fini. La France a ses dimanches, merci pour ses samedis. Si je reste coincé dans mon lit, c'est que j'en ai pas fini. And we're back live on, you're listening to KFAI. This is Bonjour Minnesota. Exactly. 90.2 FM on KFAI.org for the streaming worldwide. And we have a special guest. Yes, we are. So we are broadcasting live from the Alliance Française on the parking lot, celebrating Bastille Day here on 227 Colfax Avenue. And Jérôme Chalmeau is with us today. Hi, Jérôme. Hi, everybody. Oh. I'm not on. Oh, yeah. Hi, everybody. Yes. Oh, there's a bad wiring. Oh, very good. So, hi, everybody. My name is Jérôme. So, I am here to talk about Matricole. That's a new French immersion school which opened about 4 years, 5 years ago now. Nice. Yeah, 5 years ago. September 2020 was our first school year, and now we're going to go to our fifth school year in September. So, are you still the only French immersion school, charter school, yes, in the Twin Cities? Yes, we are the only public charter school in the Twin Cities area. Okay. We are located in Golden Valley, okay, which is inside the Robbinsdale district. Mm-hmm. And that's been going great. We will pass the 70 students in September, most likely. Oh, nice. Serving students from kindergarten to fifth grade. Okay. And we will have our first fifth grader this year, the first graduate, which very is a nice. big milestone for the school. Yeah, yeah, I keep on going. Yep. I mean, it's... So how many kids do you have normally we should have about 70 students in September. Cool. Split between different grade level, starting from kindergarten to fifth grade. So very happy about it. And usually we have one class per grade, give or take. Yeah. And we have between 15 and 20 students per class. We try to we will stay below 20 students for keeping the good quality. Okay. Because we know above certain number of students, well, you cannot have the same quality of work when you have 30 students or 20. Yeah, it's different. It's a different experience. Yeah, my kids have been in charter schools, not French immersion, but they've been in charter schools, and it's been, the number of students have made a big difference. Oh, yeah, definitely. Compared to some of the public schools. Yeah, so. Definitely. I mean, most of the public schools have little to no options. Right. I mean, it's a question of budget and size. And I don't blame them when you are in highly densely place in the Twin Cities. Yeah. You gotta do what you gotta do. Yeah. But we try to offer a different experience at Notre École. And we emphasize the French. Everything is in French, but we do emphasize a lot of science because it's a STEAM school. Nice. So the students have... we try to develop them with two strong legs. One leg for the French and one leg for the science. Very so cool. So when they leave us, if they don't like the French, they can switch to science. Or if they like the science, they can stick to that and have a French as a bonus. Yeah. Score. Yes, it's very good. Yeah, it's a lot of work. Yeah, I bet. A lot of work. Well, yeah. It's not like you were selling shoes. It's a very different business. I bet. Like that. So if parents are interested in having their children to get signed up for this school, what would be your recommendation? Alors, the recommendation, you can go on the website. It's www.notreecole.org. So Notre École is NOTREECOLE.org. Okay. They find us. There's a couple of signs on the front webpage, and they can click to enroll, and they can click to book a tour. And we give you a tour of the facility in the school building. Uh-huh. And then after, you have a couple of paperwork to fill up online, and that's it. Very so nice. So we still enroll for next year. Uh-huh. We have a couple of places left for the kindergarten and the first grade, but we still enroll children, even if they come later, because due to our small size, which we have a specific program to help the students to catch up French, even if they start signing up in second grade, third grade, fourth grade, or fifth grade. Okay. They can still catch up a little bit of French because we are flexible with that. Okay, that's very nice. Not every school is flexible with that. Yes, that's the beauty of being a small charter school. We are flexible on that front. Yeah. And it's a funny story because the building which is hosting us right now used to be the first school building of Golden Valley in 1904. Oh, wow. Yes. Very nice. So we find out that after when we are searching a building back in 2020, we were finding different options, and one of them turned to be the current location of the school. And when we dig deeper, it turns out it was a school building. Mm-hmm. It burned down twice. It was wow. rebuilt. It was in wood first, which doesn't last yeah. very long. Yeah. They rebuilt it solid between the two wars. And the building was getting too small after World War II, around the 50s. Uh-huh. They decommissioned the building for 20 years. And the church, which is hosting us, bought the building. And they were looking for a partner to use the facility. Okay. Because very between nice. Monday morning 8:30 and 5:30 Friday afternoon, the building is empty. Yeah, so they were looking for someone to fill up the room. And even if they lease to us, we have no connection with us. Right, it's just a facility for you it's guys. It's just a landlord for us, yes. Yeah. But it's a great place. All right. Cool. Can you briefly tell us maybe more about the program? What's different at Notre École? Oh, Notre École, first of all, it's fully French immersion. So basically, your kid, whatever you speak French or not at home, they will only speak French with the teacher and hopefully with their camarade. And we follow the guideline established by the state of Minnesota. But we adapt the program to a French touch, and basically we are ahead in math, we are ahead of reading, due to our small size and due to the fact we have we pick up the best of both sides of the educational system. Yeah. And they can expect a lot of French for sure, but a lot of science, a lot of hands-on experiments. We want to show as early as possible that science is not only equation boring on the whiteboard, it's also a lot of fun, a lot of hands-on experiments. Yeah, well, that's very nice. Yes. French is a vehicle, and, you know, it's the content is also different. So yeah, and the studying with French is also give us a plus, because when you start with French, you can catch up Spanish much easier later. Uh-huh. The opposite might not be true, because not all the middle school or high school do have a good French program, which is not the case for Spanish. You have Spanish everywhere in every middle school or high school. Indeed. So when some family reach out to say, I don't know French, why French in America? I should learn Spanish. And I say, yeah, sure. But your kid will learn Spanish, whatever they choose, later in the game. So that starting is true. With French might give us an extra plus. Yeah. Well, thank you, Jérôme, for joining us Very today. Good, this is always a pleasure to see you and talk about Notre École. Very good. Thank you to welcome me. And I wish everybody a good 14th of July. Thank you. Thank Bonne fête nationale. And to back announce the songs we just listened to before, we listened to Tik and Jah Fakoly with France Afrique, Rachid Taha with Douce France, and Les Négresses Vertes with La France à ses dimanches. And now we're going to listen to more songs. And with the sun, because we're outside, I have a hard time reading. And plus, I need my glasses for like old people. Île-de-France is the name of the band. And we're going to listen En Paix en France, At Peace in France. Then Sheila with Petite Fille de Français Moyen. And then Polo with Petit Français. Super. Our little French. On y va? C'est parti. Redresse ta tête innocente et viens, tu veux la paix en France, suprême contre la haine, la France, c'est bien. Prendre l'affaire à la légère, la question de savoir combien on l'aime, la France, la vraie, c'est bien à ça qu'on se reconnaîtra, à ça qu'on se reconnaîtra. Fraternité, France, c'est pas gagné d'avance. Pour vivre en paix, sur notre terre, tu connais le critère. Ceux qui aiment, ceux qui l'aiment, la France. Ce qu'il aime, la France, la France, la France, la France. Que ce soit les autres qui tombent, ceux qui portent les poignards et les bombes. Que ce soit les autres qui tombent, ceux qui portent les poignards et les bombes. En paix en France, en paix en France, pour vivre en paix, sur notre terre, tu connais le critère, ceux qui aiment, ceux qui l'aiment, la France. Ceux qui l'aiment, la France. La France, la France. Ceux qui aiment, ceux qui l'aiment, la France. Ceux qui

Il y avait des cloches qui sonnaient. Petit français, petit français. Les commerçants du bled passaient en camionnette. On les entendait klaxonner à plusieurs kilomètres. Le facteur apportait des lettres à la maison. Buvez donc un canon, où sont donc mes lunettes? Mon grand-père attrapait du poisson, préparait ses lignes et ses hameçons. Entre ses gros doigts, le fil de pêche était si fin qu'on aurait dit qu'il n'y avait rien. Ma grand-mère passait la serpillière. Elle disait, je vais laver mon parterre. On aurait juré qu'elle travaillait pour un musée, tant le sol brillait sous nos pieds. Et moi, je rêvassais dans l'odeur de Javel, au milieu d'un balai de seaux, de linge et de vaisselle. Ivre d'ennui et de propreté, petit français. Mon grand-père aimait Mireille Mathieu, c'était sa manière de croire en Dieu. On aurait juré qu'il priait devant la télé pendant que ma grand-mère dormait. Et puis, c'était la fin des émissions, les bons hommes volants signés Folon. Un bol de tilleul, allez, au lit, et puis plus rien, jusqu'au lendemain matin. Moi, les yeux grands ouverts, dormir, j'avais du mal, écoutant les autos qui filaient sur la nationale, découpant leurs phares dans les volets. Petit français, petit français. And we are back on Indeed. KFAI. This is Bonjour Minnesota, and you're listening live from the Alliance Française on 227 Colfax Avenue in Minneapolis. Yes, Avenue North. That's right. Yeah, don't go south, you know. Don't go south. No. Because Colfax Avenue South is by uptown, and we're not there. You won't find us there, at least not right now. Not right now. So we're here live with you until 6 o'clock. Indeed. And, it's great. What a beautiful day. Yeah, we just listened to three songs. The band, the first song was from the band Île-de-France, which is the area where Paris is located, including suburbs. The name of the song was En Paix en France. And then after that, it was Sheila with Petite Fille de Français Moyen, little girls from middle-class France. Ouais. And Polo with Petit Français, hey, a little French. And he was talking about the joys and the happiness of, like, just, you know, having some small pleasures. Oui, c'était mignon. Très mignon, Polo. C'était mignon. All right, so, yeah, we're still there with you until 6 o'clock, but the music continued. There's a Well in the Thames is going to play live for the Alliance Française at 6. That's so, right. I was just talking to Emily, yeah, and she gave me a little bit of inside info. Oh, wow. They're going to play a song from Johnny Montreuil in their set tonight, so they're going to start at 6 here at the Alliance Française, live music, by the stage, where the food is, where the crepes are, and we're in the area where they are, the schools and boutique with all the shops and yeah, and Bouncy art. Castle and all of it, and the weather is gorgeous, so take advantage of it, and you still can come and see us. At 8 p.m., the after party is going to start with Jack Rude and playing some awesome songs. That will be inside, though, where it's a little bit cooler. Yeah. We have AC inside. It's just going to be hot because of the music and the ladies, but not because the AC is going to be better. It's going to be hot on the dance floor. All right. We're going to stop there. We're going to keep on listening to some songs from people who know to sing. Not that I say, like, you don't know to sing, because every time I go to your place... You do karaoke. And this karaoke and I'm living before. And you always leave. Yeah, well, I often have really good excuses. So we're going to listen to Cyril Mokaesh with Ici en France, here in France. Then another version of Douce France. I know it's the third one, but this one is Armor Remix, and it's a little bit more electronic. And we're going to listen to Matmata with Il fait beau sur la France. Super. It's super weather in France. Voilà. On y va. Happy Bastille Day. Enfant de la révolution moderne, quel mauvais vent t'amène là tout au devant de la scène à donner de la voix. Pour qui, contre quoi? waxaa qasab ah in ay dadku xasuustaan khatarta baabuurta xawaaraha badan lagu kaxeeyo waxaa la wada og yahay khatarta ugu daran xawaaruhu geeri ayuu keenaa fadlan ayar soco boolis dheeraad ah ayaa jidadka jooga Défaite à sonner l'heure de salir l'Élysée, de prendre l'histoire. À tenir pour que demain ne dessine rien n'en bleu marine. Jamais s'arrêter. J'aurais pu plus que toi, j'ai gagné. À toi de jouer. Et voilà. We're back. Bonjour Minnesota, on KFA Radio, and we're here for another 10 minutes live from casting. Live from Bastille Day at the Alliance Française on the parking lot. Yes, and we have everybody around us and a good crowd. Only nice people. Only the team, the original team of the Alliance Française here around. Yeah, they're coming back. Yeah, let's go. It's great. And we just listened to two songs. We listened to Cyril Mocaèche with Ici en France, then Douce France, the Armour remix. Oh, wow. I have a hard time. C'est dur à dire. Hein? And I didn't drink anything. He's not drinking yet. And Matt Mata with Il fait beau sur la France. And we're going to keep like for the last 10 minutes, 8 now, and more people are coming. There's a party tonight at 7 o'clock. At 8, sorry. And music all along, no? Yeah, music, live music from 6 to 7 is going to be like well in the Thames. And a lot of things to do, crepe and booze and, you know, like some vendors. And that's awesome. Yeah. So come and see us if you still have time. Yes, we're going to say goodbye. Yeah, I think. And we'll keep on playing music. And we'll be in the studio on Tuesday night at from 8 to 10, back to normality. Well, I don't know if it's normal because Lane is going to be with us. And we're going to have a Paris up script. And she's going to talk to us about Paris. And we're going to talk about what changed, what's better, what's worse. Yep. And of course, everything's worse because I'm gone. But that's a matter of opinion, I guess. And we're going to listen to Stone and Chardin with Il fait soleil sur la France. Then Michel Sardou, J'habite sur la France. J'habite en France, sorry. And Beau Soleil with Le Chant que Chant Français. Super. And while we're there, because we have 8 minutes and some of the songs are short, well, I think it'll be good. Otherwise, we'll play Marc Appel-Joss with Le Bon Français, but I'm not sure it's going to play. Mm-hmm. Well, thank you for listening. Thank you. Your listeners make KFAI what KFAI is. We also want to thank Miguel today for helping us setting up outside on Miguel. The Alliance Française. And Nora, thank you to the whole staff of KFAI for making this possible. And thanks for listening to Bonjour Minnesota. Merci. And all happy Bastille Day. On y va. Sors la bière en boîte, le pain, le jambon. On est dans la paille, les autres travaillent. D'en face a les yeux sur nous, mets les cerises là dans ma chemise et rentrons chez nous.